bien Bernard le plus vénard de la bande, car depuis qu'il a eu son bac, quelle chance, ses parents lui ont acheté une voiture avec laquelle on s'amuse bien, je vous jure. C'est bien Bernard le plus vénard de la bande, sous la fenêtre il nous klaxonne pour nous prendre, les parents crient, les portes claquent, mais qu'importe, on est pressé, Bernard attend à la porte. Bien Bernard le plus vénard de la bande, le samedi soir il nous emmène et l'on danse, mais vers minuit il faut rentrer, pas de chance, et je m'endors tout en songeant aux vacances. C'est bien Bernard le plus vénard de la bande, mais moi je sais qu'à la rentrée en septembre,